avec un moment de volupté et on continue avec une petite rumba suivie d'un autre moment de volupté avec vous le découvrirez. Thank you. Oyez, oyez, épaule Madison, il y a personne? Oh, je suis sûr que si, on est parti. Je suis sûr que cet air-là va vous rappeler quelque chose, parce que ce quelque chose, vous l'avez peut-être vécu, va savoir. Alors, heureux? Eh oui, heureux. Heureux parce que les souvenirs sont là. Et puis là, ah, alors là, attention, ça vient de l'autre côté des Alpes. Alors là, on ne rigole plus. Après ce coller serré, un petit passodoble, c'est pour se dégourdir un tout petit peu les gambettes. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Esperanza, espoir, ça vous dit? C'est un cha-cha-cha. Et on y va. Thank you.

Prêt pour une petite valse? Oh, je le sais bien, vous êtes toujours prêt pour danser. La valse, particulièrement. Petit moment de tendresse, comme vous les aimez. Je vous connais bien et je sais que vous les aimez. Et en plus, un petit tango. Mais quel tango! En fait, ce n'est pas un simple tango, c'est un medley. Waïaïaïaïaï, alors là, alors là.

tous les gars du village étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là, étaient là là là là là là là là là là là. La folle de Maillot, c'est une très vieille chanson que nous interprète Claude Michel Schoenberg. Au feu rouge, elle m'a dit, tu viens, en tremblant un peu de la main. Je lui ai dit, tu es gentil, mais moi je n'ai pas un radis. Avenue de la Grande Armée, vieille jeune fille toute chiffonnée. La marche doit être douloureuse, parfois pour ses jambes noueuses. Certainement belle autrefois, quand les grosses hispano-suisas se garaient sur les bas-côtés pour lui proposer de monter. Elle aurait pu être ma mère, cette vieille femme au chapeau vert, fardée comme un arbre de Noël. La folle de Maillot, c'est elle. Elle m'a dit, pour toi c'est gratuit. Confus, je lui réponds, merci. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, une autre fois éventuellement. Peut-être part-elle en vacances, 8 jours au bord de la Durance, pour retrouver son grand garçon qu'elle avait confié nourrisson à des amis dans un village, loin du terrain de racolage. Elle le voit quelques jours par an et devient dame quelques instants. Elle aurait pu être ma mère, cette vieille femme au chapeau vert, fardée comme un arbre de Noël. La folle de Maillot, c'est elle. Vers mon accélérateur, la mise dans mon rétroviseur, et sur le trottoir, tout mouillé, j'ai vu son image reflétée. C'était comme une carte à jouer, la tête en haut, la tête en bas, une vieille reine sans paire de bas, qui ferait de l'œil aux autos, en jouant la folle de Maillot. Daniel Balavoine, le regretté Daniel, avec cette belle interprétation. Au revoir. We'll be right back.

je veux regarder devant moi, ne penser qu'à nous deux, ne penser qu'à toi, te rendre peu à peu le bonheur que je te dois. Car ma chance, c'est de t'avoir toujours auprès de moi. Tu es la fille dont je rêvais, tu es la femme que j'attendais depuis toujours. Fais plus peur quand tu tiens ma main, quand tu retiens mon cœur. Je désire avec toi courir tous les chemins pour le pire et le meilleur. Car ma chance, c'est de t'avoir toujours auprès de moi. Tu es la fille dont je rêvais, tu es la femme que j'attendais depuis toujours. Gilbert Bécaud, lui aussi regretté chanteur, monsieur 200 000 volts, je ne fais que passer, eh oui, je ne fais que passer. Je ne connais des capitales que des chambres d'hôtel, ce monde universel, des coulisses et des salles. J'ai choisi de vivre. Je ne connais des gens qui sont assis dans ces fauteuils, que leur sourire clair, rien de plus, rien de moins. Demain, je serai le roi. Je ne connais des grandes villes que le souvenir que j'en ai. Ce jour-là, il neigeait à Lille, à Moscou, Nathalie m'aimait. Où j'ai choisi de vivre. De temps en temps, une folie, il m'arrive un nouvel amour. Mais rien ne peut durer toujours. Rosie and John me l'avait dit. Où j'ai choisi de vivre. Je ne fais que passer. Peu importe les noms, les lieux et les couleurs. Je ne fais que passer. Je ne suis qu'un ami de passage. Prisonnier de mes habitudes, les théâtres du monde entier font partie de ma solitude quand le concert va commencer. Où j'ai choisi de vivre. Voici les projecteurs de Tokyo, d'Istanbul et le grand coup au cœur. Du remous, du remous de ces fous. Toujours, toujours recommencer. Oh, je ne fais que passer. Qu'importe les noms, les lieux beaux, les couleurs, je ne fais que passer. Je ne suis qu'un ami de passage. Voilà où j'ai choisi de vivre, debout sur un fil permanent. La peur au sang, mais le corps libre, la rose à moi, c'est l'important. Où j'ai choisi de vivre. Lorsque je suis à bout de nerfs, de sommeil, d'épuisement, j'écoute rire des enfants dans une ferme. J'ai choisi de vivre, vivre. Je ne fais que passer. Peu importe les noms, les lieux, les couleurs. Je ne fais que passer. Je ne suis qu'un ami de passage. C'est un gentleman cambrioleur. Il s'appelle Jacques Dutronc, qui l'interprète. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure. Ah, c'est de circonstances Votez pour moi avec La Ratatouille. Examen pour fraude et recel. J'ai des casseroles dans tous les tiroirs. Je suis un menteur, vous pouvez me croire. Calme-toi, Amino, calme-toi. Votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez. Eh bien oui, parfois, il y a comme ça, dans la vie, les barlouches. Eh bien là, oui, c'en est un, le barlouche. Thank you.

Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais je t'aime. Je t'aime. Renaud, eh oui, Renaud, toujours là Renaud. Il n'est pas debout dans sa chanson aujourd'hui, mais il dit adieu Minette. Sous tes cheveux beaucoup trop blonds, décolorés, ça va de soi. T'avais une cervelle de pigeon, mais j'aimais ça, au fond de tes grands yeux si bleus. Trop maquillé, ça va de soi. T'avais quelque chose de prétentieux que j'aimais pas, que j'aimais pas. J'avais la tignasse en bataille et les yeux délavés. Je t'ai culbuté dans la paille. Par le ton pied, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Tu m'as invité à Deauville, dans ta résidence secondaire. Je me suis fait chier comme un débile, dans cette galère. Tu m'as présenté tes copains, presque aussi cons que des militaires. C'étaient les vrais républicains, buveurs de bière. Le grand type qui se croyait malin, en me traitant d'anarchiste. Je regrette pas d'y avoir mis un pain. Avant qu'on se quitte, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Et quand t'es rentré à Paname, super fier de ton bronzage, t'as pas voulu poser tes rames sur le rivage. C'est une image, tu m'as téléphoné 100 fois pour que je passe te voir à Neuilly, dans ton pavillon près du bois. Et j'ai dit oui, et j'ai dit oui. Je suis venu un soir à ta surboom avec 23 de mes potes. On a piétiné tes loukoums avec nos bottes. Adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Faut pas en vouloir aux marioles, ils ont pas eu d'éducation. À la Courneuve, y a pas d'école, y a que des prisons et du béton. D'ailleurs, ils ont pas tout cassé, ils ont chouré avec l'argenterie. Ton pote qui faisait du karaté, qu'est-ce qu'on y a mis, qu'est-ce qu'on y a mis. Ton père, je l'ai traité d'enfoiré. Excuse-moi auprès de lui, si j'avais su que c'était vrai. J'aurais redit adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Maintenant j'ai plus envie de causer, tu devrais déjà avoir compris. On n'est pas né du même côté, la bourgeoisie, arrête une minute de chialer, tu vois quand même que je t'oublie pas, je te téléphone en PCV de Nouméa, ça fait 3 semaines que je suis bidasse, l'armée c'est une grande famille, la tienne était moins dégueulasse. Seulement la quille, adieu fillette, nous n'étions pas du même camp. Adieu Minette, bonjour à tes parents. Bonnie and Clyde, pour terminer cette émission de variété française avec Serge Gainsbourg, l'inoubliable. Thank you.